Tony, le philosophe. Un message de plus. Loin, loin du bitch. On veut tous se faire la belle. Je regarde car c'est la mer. Construire des maisons au bled. Et tu sais partout c'est la même. Les mêmes rêves qu'on gamberge, des cauchemars, des HLM qui nous rendent dingues. Le quartier, c'est pire que prison break, tu n'es dedans. Dedans, tu perds tes dents, donc tire-toi vite avant de mourir dedans. La roulette russe ici, tout le monde la pratique. Elle fait boum avant de faire clic, c'est la mélodie d'ici, ouais. Sony, le philosophe, Carlos et Corleone, c'est Convince, Saïd et Hubert dans la haine. Ce qui compte, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Jusqu'ici, tout va bien, c'est juste une apparence. Y'a la merde en 16-9ème et ils s'en foutent, y'a pas de fumée sans feu. La réaction des banlieues était des feux de détresse. Trop de quartier, tu quartier, mais t'inquiète, on va se tailler, ça et c'est décidé. Loin des contraintes, loin des problèmes. Loin des blocs, loin, loin des HLM. Loin des soucis, loin des emmerdes. Loin de la haine, loin, loin du bordel. Toujours plus loin. Toujours plus loin. Toujours plus loin. Caché à domicile, non merci. J'ai envie de partir d'ici, de positiver ma vie. Si, si. Être loin du shit, shit. Écho, chut, chut. Partir, choose, choose. Destination is to. Et Will Bled pour un second souffle. Ici, c'est cool, cool. À midi, c'est couscous, rouillard. À ma table, je te présente Carlos de la Vega. Le lion, la teranga, on a la dalle, retiens ça. Le monde grande, nous on grandit. Je veux monter de grade, pas devenir bandit. Percer, c'est notre objectif. Visite ma vie, tu y trouveras de l'or. Cela veut dire que tu as aperçu ma femme, mon pote. Y'a plus le temps, faut que je me tire d'ici. Que je parte loin de tout avant qu'on me tire dessus. Oh oui, tout le monde veut avoir la peau de l'autre. Pour m'avoir, faudra d'abord annoncer que le philosophe est mort. Loin des contraintes, loin des problèmes. Loin des blocs, loin, loin des HLM. Loin des soucis, loin des emmerdes. Loin de la haine, loin, loin du bordel. Toujours plus loin. Toujours plus loin, plus loin. Toujours plus loin. Si je quitte ces quartiers, près des briques, loin des blocs, plein de bises. Crois-tu que de délinquance, mon avenir s'est catalogué. Revenu maxi, c'est le SMIC, comme ça se perd dans les shit. Et les schmitts, ça chiffre du côté des chefs d'état. Nos trêves n'ont pas assez de pétales. Faut croire qu'on est tous dans le même sac. Comme Jam, je vais avoir la vue sur la mer. Tu me verras, c'est pas sous un lampadaire. Ce qui est sûr, c'est que j'irai loin d'ici. Je peux mettre au vert 365 jours par an. Et qui même me suit, je prendrai sur mon passage tous ceux qui sont partants. Car leur habitation à loyer modéré nous ont percé, ruiné, rendu mauvais. Faut bien qu'on prenne notre envol. Loin des contraintes, loin des problèmes. Loin des blocs, loin, loin des HLM. Loin des soucis, loin des emmerdes. Loin de la haine, loin, loin du bordel. Toujours plus loin.